Merci beaucoup pour cette invitation. Ça me donne l'occasion effectivement de présenter mes travaux devant vous. Alors, j'ai déjà. Alors, enfin, mon travail a toujours été reçu de façon un peu parfois étrange, enfin pour moi, hein, par les personnes qui étaient mon objet d'étude, hein, donc les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs aussi. Alors, je ne sais pas si parmi vous il y a des cadres intermédiaires, des attachés, des gens qui sont passés par les IRA déjà ou qui sont anciennement passés par les IRA. Non. Voilà. Super, très bien, ça c'est parfait. Parfois les réceptions de mon travail ont été même parfois un peu houleuses, et donc voilà, c'est un peu donc je suis très content de m'en trouver devant vous, et c'est aussi un peu une catharsis d'une certaine manière. En général, les thèses c'est des choses qui sont quand même très longues. Alors là, ce qui passe c'est une version remanié et abrégé de ma thèse qui était publiée aux presses universitaires de Rennes, mais sinon la thèse, voilà, c'est 700 pages, 800 pages, et c'est quelque chose qui m'a surpris. Ma thèse a en fait assez circulé dans l'administration, à la DGFP, etc. C'était lu dans le détail, et voilà, et ça a été, ça a parfois été critiqué, donc pour des raisons que on peut échafauder des hypothèses, hein. On pourra en parler plus tard si vous vous sentez choqué parce que ce que je dis, j'ai pas l'impression d'apporter des éléments très très poil à gratter, hein. Voilà, je pense que je fais une analyse de l'administration informée par les sciences sociales, donc voilà, qui tend peut-être à objectiver certaines positions, etc., mais enfin qui reste relativement classique. Mais si voilà, c'était en forme de liminaire, d'ailleurs c'est peut-être quelque chose qui pourrait être supprimé de l'enregistrement, j'y pense, mais voilà. En tout cas, c'est aussi pour vous dire que si vous voulez réagir parce que vous vous sentez mal à l'aise ou que mon propos ne vous convient pas tout à fait, c'est tout à fait possible. Alors, est-ce qu'il y a une ou des fonctions publiques, je sais pas. En fait, on en parlera. En tout cas, ce que je peux montrer aujourd'hui et partager avec vous, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'il y a des fonctionnaires. Il y a la tentative de faire un type de fonctionnaire, et c'est ce à quoi va servir les écoles, hein. C'est ce que j'ai, c'est ce qui m'a intéressé quand j'ai étudié une formation en particulier. Mais voilà, donc il y a une volonté de définir un mandat des fonctionnaires, en particulier des cadres, et des cadres un peu spécifiquement positionnés dans la hiérarchie administrative, je vais vous en parler. Mais le résultat, le grand résultat, c'est que, bah, en fait, il y a des mandats qui sont éclatés. Il y a des façons différentes de s'approprier cette formation. Il y a des différents. Ensuite, plus tard, même si ça touche seulement un peu de loin mon objet, mais il y a des trajectoires diverses dans l'État, des trajectoires professionnelles diverses dans l'État. Et donc, je crois qu'on peut dire que même s'il y a la volonté de construire un fonctionnaire, il y a une pluralité de positionnements et de fonctionnaires, en réalité, dans l'État. Ma thèse portait effectivement sur la fonction publique d'État d'abord, et donc je vais adopter ce prisme là en priorité, même si peut-être que ça peut faire écho à d'autres versants donc de la fonction publique. Mais ma thèse, donc l'idée, mon travail au départ portait sur une école en particulier, qui sont donc les instituts régionaux d'administration, les IRA, qui est une école de service public, et donc c'était une façon d'étudier aussi le corps qui est formé dans ces écoles, qui est parce que cette formation donne naissance et un destin spécifique à ce corps qui s'appelle les attachés d'administration. Et qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Les IRA, c'est des choses que vous allez peut-être connaître, mais voilà, pour être sûr, c'est bien la fonction. On parle bien des attachés, hein, de l'État. Il y a 5 IRA en France. Alors, les IRA ont été créés dans les années 70, avec régional dans le titre. C'est vraiment une maladresse. Donc avant la décentralisation, et donc ça faisait plutôt référence à un mouvement de déconcentration. C'est au moment où naissent les régions dans les années 75. Enfin, il y a ça dans les tuyaux, et donc on veut créer, non pas comme l'ENA, une seule école à Paris, mais en fait 5 instituts en France et qui vont naître progressivement. Donc le décret date de 1966, et ensuite les écoles, parce qu'il y a des discussions sur lesquelles on peut revenir rapidement, mais les écoles vont être créées dans les années 70, d'abord à Lille et à Lyon, ensuite à Metz et à Nantes, et enfin à Bastia, donc 5 instituts régionaux d'administration, 5 CA, mais une même école, en tout cas, donc 5 présidents, enfin 5 directions spécifiques, mais une même école, et avec la DGAFP, qui cadre les programmes et qui cadre une certaine forme de cohérence entre ces cinq instituts. Donc la cohérence est garantie par la tutelle. Les IRA, c'est d'emblée, c'est ce qu'on voit quand on regarde les archives, quand on parle avec les anciens, les IRA, c'est d'emblée présenté comme les petites sœurs de l'ENA, les petites ENA. Donc elles sont créées effectivement typiquement sur... et presque parfaitement sur le modèle de l'ENA, c'est-à-dire un an de formation, alors 2 ans d'abord, un an de formation, et puis qui débouche sur un classement, classiquement, hein, et puis ensuite qui distribue les postes et donc les carrières dans l'État. Et donc il s'agit, ça en fait relève de la même logique, c'est-à-dire que il s'agissait d'unifier les recrutements, comme ça a été le cas à l'ENA en 1945. Il s'agissait d'unifier les recrutements, unifier la formation qui était jusque-là dispatchée dans les ministères. Chaque ministère avait ses propres moyens de recrutement, ses propres concours. La gestion des carrières était laissée aux différents ministères. Et là, il y a une volonté de rationalisation un peu de ces formations, de ces recrutements. Et donc c'est comme ça, dans les années 70, qu'on crée les IRA, les attachés pouvant travailler à la fois donc en administration centrale dans les ministères, en déconcentré dans les préfectures, dans les services préfectoraux, et aussi dans les établissements de l'éducation nationale, donc les CROUS, l'éducation nationale, et aussi donc les qu'on appelle ça, les anciens intendants, les gestionnaires matériels et comptables des lycées, des collèges. Voilà ce qui offre en fait une palette très large de postes dans l'administration. Et souvent, il y a pas beaucoup de points communs entre gestionnaire de lycée dans un milieu de la France, hein, et puis être relativement proche du ministre dans tel ministère. Voilà. Et donc, ce spectre très large des destinées de carrière se cristallise un peu dans la formation. On pourra en parler, j'en parlerai peut-être un peu à la marge, mais voilà, cristallise donc des enjeux spécifiques dans la formation, puisque le poste et donc le classement déterminent des carrières qui sont complètement différentes. Et donc à un point près, on peut se retrouver ici ou là dans l'administration. Parler des IRA, donc c'était aussi parler des attachés d'administration, qui sont des cadres de catégorie A, vous avez compris, qui sont des cadres de catégorie A, mais qui sont pas des cadres supérieurs. Donc. Et donc c'est ça qui m'a intéressé, et c'est un peu comme ça que je suis rentré progressivement dans l'objet, comme on dit, et puis c'est de bien saisir le positionnement, donc le positionnement de l'école dans la hiérarchie des écoles, et aussi le positionnement des attachés, de ce groupe de fonctionnaires dans la hiérarchie des corps, en fait. Et là aussi, c'est ce qu'on voit, ça va être un enjeu de la formation dans les IRA que de positionner les cadres, ces cadres, dans la hiérarchie administrative. Je vous donne un exemple d'emblée, c'est lors de cette petite propos liminaire, quand on regarde les archives, au moment de la création de les IRA, les attachés, on les appelle les attachés A prime. C'est-à-dire pour les distinguer des A, qui étaient alors, donc le A plus n'existait pas, mais qui, pour le distinguer des catégories A, qui étaient alors le cadre supérieur et l'ensemble. Et donc, pendant très longtemps, le cadre était tout, le cadre supérieur occupait finalement toute la catégorie A, et voilà. Et donc la catégorie A prime, c'était donc il y a dès l'origine une volonté de distinction un peu entre le cadre intermédiaire et le cadre supérieur. Alors ensuite, bien sûr, A prime c'était dans la tête des promoteurs de la réforme, etc. Et donc, quand les associations d'attachés se sont rendues compte de ça, ils ont un peu bougé. Et puis, et donc, l'appellation a disparu. Mais voilà, ça montre. Et la distinction existe toujours aujourd'hui. Hein, en fait, vous voyez, entre A+ et A, elle n'existe pas en droit. Elle existe bien sûr dans les corps, dans les échelons, dans les grades. Mais il y a la volonté donc de séparer cette catégorie A qui semble un peu large pour saisir en fait la réalité du travail qui est fait spécifiquement à l'échelon de l'encadrement de l'État. Aujourd'hui, les attachés, c'est 25 000 individus à peu près dans l'État, donc c'est un gros corps, c'est un corps important, c'est-à-dire que ça compte beaucoup, c'est un des corps les plus importants de la catégorie A si on enlève les enseignants, donc ça pèse beaucoup, donc par exemple, c'est un corps qui est très féminisé. C'est ce qui féminise du coup aussi la catégorie A. Voilà. Donc les enjeux qui sont liés aux attachés d'administration ont des répercussions en fait sur l'ensemble de l'encadrement de l'État et sur la catégorie A. Ils sont nombreux donc, mais comme j'ai dit, ils occupent une grande variété de postes. Donc dans l'administration, dans les de types d'administration, dans les ministères, dans les préfectures, dans les établissements publics, mais aussi donc à l'intérieur des ministères, ils occupent des fonctions très différentes, parfois plus juridiques, parfois plus comptables ou financières, parfois RH, voilà, et puis parfois des donc beaucoup de management, je vais venir, et puis dans les établissements, ce sont les attachés qui sont au contact des professionnels, donc souvent la filière éducation nationale, mais ça peut être la filière culturelle au ministère de la culture, etc. Et souvent, donc, ils sont en charge du bâti, des fluides, de tout ce qui fait fonctionner, des fonctions support, etc. Donc, de tout ce qui fait fonctionner l'administration. Voilà. Alors, j'ai étudié plein d'aspects durant ma thèse, mais un des aspects, c'était donc la formation au management, qui effectivement, depuis les milieux des années 2010, sature un peu les savoirs managériaux, sature un peu la formation. Le milieu des années 2000 plutôt, hein, 2007-2008, il y a une grosse réforme des IRA en 2008. Et les savoirs managériaux finissent par, en management, finissent par saturer les programmes de formation, saturer la formation. Et donc, à un moment donné de l'histoire, ce qui est pas tout le temps le cas, mais à un moment donné de l'histoire, produire des cadres de l'État, pour l'État, ça a été produire des managers. Et donc c'est un peu ça que je voudrais interroger aujourd'hui, pour savoir d'où ça vient. Et comment concrètement c'est précisé, comment précisément c'est mis en pratique dans la formation, et puis comment c'est aussi intériorisé, pris en considération, endossé par les élèves et les futurs attachés. Et donc c'est à peu près les trois questions que je vais développer maintenant de façon un peu rapide. Je m'arrêterai quand ça sera trop long. D'abord, le fait que le management procède de luttes et d'arrangements institutionnels. Le management, il est lié à l'histoire du corps, à l'histoire des IRA, à l'histoire de cette école. Et c'est précisément ce que je vous disais, c'est chercher un positionnement des cadres intermédiaires a fait que à un moment donné, le management est apparu comme une évidence. Je vais vous expliquer comment dans un premier propos, dans une première partie. Ensuite, je montrerai comment précisément le management procède, non pas là de lutte et d'arrangement institutionnel, mais plutôt d'apprentissage de techniques, de savoirs spécifiques. Et donc, il faut rentrer un tout petit peu, on n'aura pas trop le temps à l'oral là, mais rentrer dans précisément dans les techniques de qui sont apprises. Et donc, ça permet de se demander, qu'est-ce que c'est que le management, parce qu'on entend beaucoup, etc. Mais qu'est-ce que c'est quand concrètement il passe d'un intervenant, d'un formateur à un futur fonctionnaire? Donc voilà, donc le management procède de l'apprentissage. Et puis, le management, mais ce sera peut-être un peu rapide, procède aussi, et c'est le dernier point, de l'éthos finalement des fonctionnaires, procède d'une façon d'être. En tout cas, c'est aussi le vœu des écoles de fonctionnaires. C'est le cas à l'IRA, c'est le cas aussi dans d'autres écoles de fonctionnaires que j'ai pas étudié directement, mais les travaux disponibles nous permettent de l'avancer. Et donc, il y a quelque chose qui se joue aussi dans l'interaction, et jusque dans la façon d'être et de percevoir et dans les interactions. Et donc, ça je dirais, mais rapidement à la fin. voilà, donc c'était une recherche au long cours. Mon enquête date un peu maintenant, ça fait longtemps. Il y a eu des réformes, comme tout le temps dans l'administration et en particulier dans les formations, des réformes de la scolarité, etc. Donc il y a des choses qui ont bougé. Ce que je vais raconter là, ce sont des tendances, hein, donc ça bouge sur le très long terme, enfin, sur le plus long terme. Mais voilà, donc c'est une enquête, mais qui était une enquête qui s'est passée donc à la fois en ministère. J'ai rencontré les gens donc les administrateurs et administratrices qui ont en charge dans les ministères la formation des cadres, donc au ministère de l'Éducation nationale, au ministère des Finances et bien sûr au ministère de la Fonction publique. C'est les trois ministères qui ont un peu les vues sur la formation des fonctionnaires. J'ai interrogé, et puis bien sûr j'ai passé du temps, beaucoup de temps dans les IRA à rencontrer les formateurs, les intervenants, les directions des études, etc. Donc voilà, c'est là-dessus que mon travail se fonde, et puis bien sûr avec les élèves eux-mêmes, élèves fonctionnaires que j'ai rencontrés. J'ai aussi assisté à beaucoup de temps de la formation, etc. Donc voilà, c'est une dispositif d'enquête assez classique, hein, en sciences sociales. Et juste un mot pour dire que je continue, alors un peu à la lenteur de l'escargot, parce que j'ai d'autres choses à faire, mais l'objectif c'est de créer une cohorte un peu, et donc de voir ceux que j'ai vus, tous les attachés en devenir que j'ai vus pendant que j'ai interrogé, que j'ai rencontré pendant leur formation dans les IRA, de les suivre un peu dans leur trajectoire professionnelle, en fait, hein, et donc saisir leur mobilité dans l'État, etc., et voir comment ils passent d'un ministère à l'autre, donc pour la mobilité horizontale mais aussi verticale, quelles conditions on devient à plus, et quels sont les tremplins, au contraire les gares terminus, pour continuer sur l'analogie avec la CNCF. Alors, le management procède de lutte et d'arrangement institutionnel. Là, je vous propose, alors c'est un peu fastidieux, mais je vous propose là, en 5 minutes, de faire un petit détour par l'histoire de la formation, en fait, des cadres intermédiaires, pour montrer, et c'est pas seulement parce que on est au centre d'histoire, mais c'est pour montrer que les cadres intermédiaires, former des cadres intermédiaires au management, en fait, former des cadres intermédiaires déjà, et former des cadres intermédiaires au management, ce n'est pas évident. C'est pas évident, et ça procède, en fait, d'un certain compromis, d'un certain état des discussions à un moment donné de l'histoire de la fonction publique et de l'administration. En fait, le positionnement, le rôle des IRA au moment où c'est créé, et le mandat qui est prescrit au cadre intermédiaire dans l'État, ça fait l'objet de luttes intenses de définition dans les années 60, dans les années 70. Ça fait l'objet d'investissements de forme, comme on dit, c'est-à-dire de luttes de définition, en fait, pour savoir justement comment positionner et ce qui va donner une couleur spécifique à la formation. Pour comprendre, il faut partir de 1945 et de la célèbre ordonnance du général de Gaulle, du gouvernement provisoire, qui crée le 9 octobre 45 l'ENA, le corps des administrateurs civils, une direction pour l'administration et la fonction publique qui va devenir la DGAFP, et puis par le même geste qui crée Sciences Po, voilà, les IEP, les instituts d'études politiques, et dans cette disposition, en fait, de fait, il y a un corps spécifique qui s'appelait les rédacteurs, qui sont supprimés. Les rédacteurs sur lesquels on... Alors, il y a un autre corps, qui est le corps de secrétaire d'administration de catégorie B qui est créé. Voilà, mais le corps des rédacteurs est supprimé. Il faut encore probablement étudier, enquêter sur ce corps qui est assez méconnu, mais qui a constitué, en fait, qui était important lors du mouvement de bureaucratisation de la Troisième République. Mais le personnel des corps de rédacteurs en 45, avant sa suppression, il se situait plus près des tâches de conception plutôt que des tâches de stricte application. Et donc le corps de secrétaire de catégorie B qui est créé à ce moment-là, il remplace pas complètement en fait les tâches concrètes qui étaient effectuées par les rédacteurs avant la Seconde Guerre mondiale. C'était vraiment le plus bas niveau de l'encadrement, si on veut. Et donc, avec les recompositions administratives qui sont héritées de 1945, les tâches, un certain nombre des tâches qui étaient auparavant celles des anciens rédacteurs échoient aux nouveaux administrateur civil, échoit aux nouveaux hauts fonctionnaires qui sont créés en 1945. Et donc les administrateurs civils, au début de leur existence, se trouvent en situation de devoir assumer tout un ensemble de tâches, tout un ensemble de travail qui leur semble non conforme en fait à leur position dans l'administration. C'est pas ça. C'est des tâches pour eux de rédaction justement, qui sont pas des tâches de conception. Et donc la création du statut des attachés d'administration en 1955, on crée donc 10 ans plus tard le corps des attachés d'administration, même si c'est pas le mot corps, il faudrait le prendre entre guillemets. Bon, on va peut-être pas en revenir là, mais apparaît comme une façon. On le voit assez clairement hein, dans les archives, comme une façon de soulager les administrateurs civils de ces tâches, en fait, de mise en forme de la décision, ce travail d'organisation, voilà, qu'ils jugent ingrates, inadéquates, en tout cas, à leur position, à un moment donné où l'enjeu du positionnement des administrateurs civils, il est fondamental. Et vous avez peut-être ici déjà entendu Natacha Galli qui explique justement que le positionnement des administrateurs civils ne va pas de soi, et donc il se retrouve en concurrence avec tout un ensemble d'autres corps au sommet de l'État. Et donc les luttes professionnelles qui jouent au sommet de l'État, finalement, Emmanuel Macron déjà ? Ruisselle, voilà, c'est ce mot-là que je cherchais, ruisselle le long de l'administration, et donc en négatif ou en retour joue sur le positionnement des corps qui sont donc subalternes en fait au corps des administrateurs civils. Voilà. Donc c'est tout l'enjeu de la catégorie A' dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui montre qu'il y a aussi un enjeu spécifiquement de travail, mais il y a un enjeu un peu symbolique de positionnement dans la hiérarchie administrative, et donc c'est une époque où ça se positionne en fait dans la hiérarchie administrative, et donc comme le fait et chacun sert chaque corps cherche à stabiliser sa légitimité au sommet de l'État. Voilà. Et donc là, la sociologie des professions, comme le fait Natacha Galli, est effectivement très utile hein, pour saisir les effets de monopolisation et de légitimité professionnelle au sein de l'État. Donc ça, c'est 1955, on crée le corps des attachés d'administration, et puis 11 ans plus tard, en 1966, on se rend compte que pour qu'un corps soit efficace, il faudrait qu'il soit formé, et puis comme je le disais tout à l'heure, donc d'unifier sur le modèle de l'ENA et des administrateurs civils la formation et le recrutement des attachés d'administration, et donc il est possible d'avancer de ce point de vue-là que la création des IRA en 66 par la loi relève de cette ambition un peu de consolidation de ces cadres intermédiaires, de cette figure du collaborateur compétent. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les archives. On veut créer des IRA pour que les administrateurs civils puissent disposer d'un collaborateur compétent. Et donc, c'est comme ça. C'est pas comme ça que ça va être en pratique. Peut-être un peu, mais pas uniquement. Mais dans la tête, encore une fois, dans le projet des réformateurs, des promoteurs de ces réformes de la fonction publique à la sortie de la guerre, c'est ça. C'est créer un corps qui soit les petites mains des énarques, c'est-à-dire un niveau suffisamment élevé de recrutement pour que les cadres intermédiaires puissent, je cite une archive, suivre intelligemment les réformes et mettre en œuvre intelligemment les décisions. Donc les petites mains, et donc un collaborateur compétent, mais qui soit quand même un collaborateur, c'est-à-dire que ce sont des tâches qui n'échouent pas, donc qui ne sont pas celles de la haute fonction publique. Voilà, donc c'est ça le mandat initial, et c'est pour ça aussi que sont créés les instituts régionaux d'administration. On veut unifier le recrutement, mais on veut aussi donner de la substance à ce personnel de renfort des administrateurs civils, qui est donc le mandat des attachés d'administration. Et donc cette consolidation, elle est possible en offrant aux attachés un lieu de formation, des murs, et puis surtout des savoirs et des techniques qui permettent de circonscrire un peu le faisceau de tâches de ces fonctionnaires, leur travail, la définition de leur travail dans la hiérarchie administrative. Donc ça, c'est le projet. Ce qui se passe, c'est que ce projet institutionnel fait face à de très nombreux obstacles. et fait face à des obstacles nombreux que je vais pas développer ici, mais il fait face à un obstacle en particulier, qui est un obstacle d'ordre administratif. C'est que les IRA ont du mal à résister, parce que donc la loi date de 1966, et en fait les IRA vont effectivement ouvrir à la fin de l'année 1970, pendant 5 ans presque. Il y a des discussions très intenses entre ministères pour savoir quelle est la place et le positionnement à donner aux IRA. Et les IRA ont du mal, ce projet-là institutionnel a du mal à résister en fait aux luttes de définition qui ont lieu dans l'État, aux luttes de délimitation entre acteurs ministériels autour de ce que doivent être les cadres intermédiaires. Et le ministère de la fonction publique, qui porte la réforme, qui porte le projet, mais qui en même temps est un ministère qui n'est pas des plus assis dans l'État, fait face à la concurrence du ministère de l'Éducation nationale et au ministère des Finances. Les ministères des Finances, parce que ils veulent garder leur propre la main sur la formation et le recrutement de leurs propres attachés. Bon, vous connaissez probablement l'histoire de l'ENA, hein. C'est pour ça que l'ENA arrive si tard dans l'histoire, puisque les formations d'ingénieurs sont créées parfois même avant la Révolution, sous la période napoléonienne, etc., tout au long du 19e siècle. Il faut attendre 1945 pour que l'ENA apparaisse, pour cette raison-là, c'est que l'État n'avait pas cette unité qui permet de rendre le projet d'un melting pot, d'un chaudron unique pour former les administrateurs. Il faut une unité spécifique, un degré d'unité assez élevé, hein, pour créer l'ENA. Ben, c'est la même chose en fait à l'échelon inférieur. Il faut un degré d'unification assez élevé dans l'ENA. Il faut que dans l'État, il faut que les ministères se mettent d'accord pour créer une formation qui soit généraliste et interministérielle. Et donc c'est le cas des instituts régionaux d'administration. Le projet fait face à la concurrence du ministère de l'Économie, des Finances, je l'ai dit, au ministère de l'Intérieur, parce que il veut garder sa main sur les préfectures. Ce sont des ministères qui ont vocation un peu à avoir une dimension un peu interministérielle dans l'État. Et puis, le ministère de la fonction publique et la DGAFP fait face au ministère de l'Éducation nationale, qui cherche à préserver la formation des facultés de droit, en fait la formation historique des élites de la nation, finalement. Et donc le projet des IRA, c'est pour le ministère de la fonction de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur surtout, c'est un projet qui vient concurrencer en fait l'existence même de l'Éducation nationale. Et donc je vous passe les détails, mais ça discute pendant très longtemps, de bleu en bleu, de réunion interministérielle en réunion interministérielle, pendant plusieurs temps. C'est la première étape qui permet, d'expliquer l'apparition du management à un moment donné. C'est-à-dire que pour répondre à la concurrence du ministère de l'Éducation nationale, la DGAFP va définir d'une certaine façon ses écoles et va en faire des écoles professionnelles. Non pas des écoles académiques où on apprend le droit, comme on pouvait s'y attendre, comme c'est en discussion à un moment donné. Non, ça ne va pas être des écoles qui vont être dirigées par des juristes, qui vont pas être reliées à l'Éducation nationale ou avoir. Mais pour éviter cette concurrence et pour contourner la concurrence des cadres, des facultés de droit, les IRA vont jouer cette carte de l'école d'application, comme elle dit encore aujourd'hui, l'école professionnelle, gérée par des professionnels, et qui forme des savoirs, qui donne un ensemble de savoirs et de contenus de formation qui soient liés à la pratique même des attachés, des futurs attachés. Et donc, les IRA revendiquent dès le début une professionnalisation pour se défaire de l'emprise du droit. Un des leviers de la professionnalisation, ça va être d'apprendre le droit d'enseigner le droit de façon pratique, de façon méthodologique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'appliquer le droit et non pas de l'apprendre en tant que tel. Et puis, ça va être la promotion très tôt de tous les savoirs et de tous les contenus de formation qui s'opposent au droit, précisément. En particulier, la gestion dans les années 1980. Et donc, quand on épluche les programmes de formation, on voit apparaître très tôt des savoirs gestionnaires liés à la gestion qui sont hérités de la RCB de la fin des années 70. Ça va être la gestion des ressources humaines qui prend son envol à la fin des années 80 et devient dominant dans les années 1990. Et à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, on voit apparaître le management. Donc, vous voyez que les arrangements dans la mise en œuvre du programme institutionnel des IRA résultent d'une logique administrative, d'une lutte entre ministères, mais qui ont des effets directs sur le contenu des enseignements, sur la formation des attachés, et donc sur leur place, sur ce qu'on veut en faire, sur leur mandat, sur leur phase de tâche, et sur la place dans l'État. La forme que prend l'institution IRA donne une couleur aux enseignements. Et donc, c'est un impact sur les savoirs. Et ce qu'on peut appeler des arrangements cognitifs, hein, si vous voulez, qui suivent ces arrangements institutionnels et administratifs, et qui résultent de luttes de définition autour des programmes de formation. Et donc, on remarque un mouvement de, et je vais glisser vers le deuxième point, où on s'intéresse aux programmes, aux formations en tant que telles, on remarque un mouvement de méthodologisation de la formation, d'instrumentalisation de la formation, c'est-à-dire l'essentiel de la formation, c'est de donner des savoirs qui sont méthodologiques, des façons, des procédures, si vous voulez, si on veut parler comme, c'est-à-dire des façons de se mouvoir dans l'État, des façons d'être, un cadre qui donne une façon d'être, mais pas des ou très peu de contenu en fait en tant que tel. Donc c'est le cas du droit qui est instrumentalisé dans le sens où ça devient un savoir instrumental. Et donc c'est surtout le cas des méthodes qui sont censées régler la pratique administrative des fonctionnaires avec très tôt des cours qui s'appellent pas management mais qui s'appellent pratique d'une réunion, qu'est-ce qu'un cadre, des cours sur l'entretien d'évaluation et comment le mener à partir du moment où l'entretien d'évaluation arrive dans l'administration. Animer une équipe, prendre la parole en public, etc., qui sont des cours qui, voilà, ce type de cours qui apparaissent assez tôt dans l'histoire des IRA et qui vont ensuite être labellisés management. Ce sont ces cours qui vont être regroupés dans les années 2000 sous la bannière management et qui prennent de plus en plus de place dans les programmes. Donc le management, c'est pas seulement peut-être une idéologie. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, c'est ce que je vois. C'est pas quelque chose qui arrive de haut et puis qui s'impose. En fait, ça procède de luttes de définition et de luttes de entre acteurs ministériels. Alors, ça aurait pu en fait mourir un peu de sa belle mort dans les IRA, mais ce qui se passe, c'est que ces enseignements que je présente ici rapidement, mais grosso modo, ils sont polarisés entre d'un côté les enseignements plutôt juridiques, à dominante plutôt juridique, et les autres à dominante plutôt gestionnaire, qui est ce qui va devenir le management. Et donc, ces enseignements polarisés polarisent en retour deux figures de l'attaché d'administration. L'attaché d'administration qui est un attaché, qui est un cadre technique, qui est un cadre personnel de renfort. Donc là, on voit bien à quoi ça fait référence. Ça fait référence au mandat initial des cadres intermédiaires, celui qui avait été pensé au moment de la création des IRA, le cadre technique attaché à l'administration, qui met en forme le droit, qui aide, qui est le collaborateur compétent, qui aide l'administrateur civil dans ses tâches. Et puis, les animer une réunion et tous ces savoirs qui vont se cristalliser autour du management vont là plutôt mettre en valeur un attaché plus généraliste. Un attaché plus encadrant, moins encadré, un attaché qui soit un cadre et en fait on voit que cette tension là entre le cadre intermédiaire qui est à la fois encadré et encadrant, juriste et manager, il est personnel de renfort et capable de cadre d'animer les équipes de catégorie B. Voilà, cette tension là en fait elle existe dans les IRA dès le début et elle perdure tout au long de l'histoire des attachés des IRA. Je développe par ailleurs le cas de la légistique, l'écriture administrative, qui est assez symptomatique de cette figure du personnel de renfort, puisqu'on apprend dans les cours de légistique à bien répondre à l'administrateur civil, et en même temps, une heure plus tard ou le lendemain, on a des cours de gestion des équipes où là, il s'agit d'être plus souple puisque la frontière entre A et B est beaucoup plus souple, conçue comme beaucoup plus souple hein, dans les IRA que la frontière entre A et A+, où là, elle est rigide et donc il est hors de question de négocier. Par contre, on ne manage pas avec le gaja, et, comme on dit dans les IRA, et donc là, on peut faire preuve de souplesse par rapport aux formes du droit et administratif. Et donc, cette tension-là entre... Qui est une opposition topique dans l'administration hein, qu'il faut reconstruire entre la figure technique et la figure généraliste, entre le cadre technique et le cadre généraliste, il existe dès les programmes de 70 et ensuite elle va perdurer pendant toute l'histoire d'IRA jusqu'à aujourd'hui. Mon hypothèse, c'est que l'idée que je développe, c'est que la progressive managérialisation de la formation, le fait que le management prenne de plus en plus de place dans la formation, ça relève d'un processus de légitimation, on pourrait dire, de l'activité des attachés d'administration, qui cherchent les attachés d'administration à se défaire du mandat originel qui est celui de l'attaché technique, qui est celui du personnel de renfort, et ils vont se saisir des savoirs en management et donc appuyer sur les savoirs en management comme une ressource pour légitimer ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est-à-dire d'être cadre. Et donc ils préfèrent être cadre en cadrant plutôt qu'encadré. Voilà. Et ils se servent du management comme une ressource pour ça, parce que ça leur permet de se positionner dans l'administration comme des cadres et non pas comme des comme du personnel de renfort, de se positionner comme des encadrants et pas comme des encadrés ou comme des positions subalternes. Et ça, on le voit très bien dans ce que disent les intervenants qui sont des attachés ou des anciens attachés, dans ce que disent les élèves eux-mêmes, mais dans ce que disent aussi les anciens directeurs de la formation, les directeurs et directrices de la formation. Voilà. Par exemple, un attaché, c'est un cadre, dit quelqu'un. Il doit être bien dans sa peau de cadre, c'est d'avoir des responsabilités, ce n'est pas qu'un exécutant. Donc on voit bien là qu'il y a une vraie volonté de rattacher là, cette figure-là de l'attaché d'administration à cette figure de cadre, un cadre attaché, un attaché qui soit détaché finalement de la haute fonction publique, voilà, mais qui est une forme d'autonomie au milieu de l'État. Et ça, le management, ça marche très bien pour ça. Ça permet de se détacher de la haute fonction publique, en fait, le management, puisque ça permet donc de légitimer sa pratique vis-à-vis des cadres de catégorie B qu'il faut encadrer, qu'il faut animer, etc. Et donc ça, ça montre que le management, c'est un sens pratique, en fait. Encore une fois, c'est une ressource. C'est une ressource qui est utilisée à un moment. Et les savoirs en management ont eu une destinée aussi importante, c'est parce que ça a été utilisé à un moment donné pour se légitimer. C'est une ressource, ce n'est pas quelque chose qui s'impose aux attachés et qui doivent faire avec, en fait. Voilà. C'est une ressource à un moment donné de l'histoire pour ce corps spécifique qui se situe à un endroit spécifique de la hiérarchie administrative. Ça fait déjà longtemps que je parle. Hein. J'ai encore un bon quart d'heure. Très bien. Alors, ça fait débat, hein. Là, je vous présente ça vraiment avec les gros sabots, mais voilà, ça fait débat, cela. Il y en a qui disent, bah non, il faut quand même ne pas oublier que l'attaché, c'est aussi quelqu'un qui doit faire des choses dans l'administration. Et que d'ailleurs, si on a collé des prêts toxiques aux collectivités territoriales, me dit quelqu'un, c'est parce que les gens, ils n'étaient pas formés à ça. Et donc, on forme au management, mais enfin, parfois, il faut... voilà. Donc, vous voyez que ça tire, ça fait débat, etc. Mais la tendance est à la managérialisation qui apparaît comme une ressource à un certain moment donné pour ces cadres qui cherchent dans l'administration, qui cherchent à se défaire de leur mandat initial. Alors, concrètement, comment ça fait alors vous voyez qu'il fallait faire un petit détour historique pour comprendre en fait que une idée à laquelle je suis assez attaché, hein, que le management ne s'impose pas de façon unilatérale partout, mais que il est réutilisé. On le voit très bien dans les travaux de Julie Gervais aussi sur les ponts et chaussées, que le management est également une ressource en fait pour positionner le cadre par rapport au le corps des ponts et chaussées dans l'écologie générale et des ingénieurs et en particulier du privé. Bon, Natacha Galli s'en sert aussi, voilà. Et donc ça c'est quelque chose sur laquelle je tiens. Et alors il n'empêche que même si c'est une ressource, ça a des effets concrets sur la formation. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait que on apprend aux élèves à être des managers, on apprend aussi à être des juristes, hein. Mais voilà. Mais si on s'intéresse aux cours de management, quand je les ai observés dans les années 2010, eh bien, il y a tout un ensemble de cours qui sont justement là pour apprendre à faire de l'attacher à un encadrant. Donc, par exemple, les cours qu'est-ce qu'un cadre que je suis allé voir. Alors, dans les cours qui s'appellent qu'est-ce qu'un cadre, on apprend à être un cadre. Alors, comment on fait pour apprendre à être un cadre? À partir des années 2000, on utilise des comédiens pour beaucoup. Donc il y a des mises en situation en fait où les attachés sont dans une classe comme celle-là et sont mis en situation donc c'est un scénario hein, qui correspond à des choses souvent qui ont été vécues dans l'administration et l'élève doit composer avec un scénario spécifique qui est joué par des comédiens. Donc c'est par exemple un attaché qui se trouve dans une comment on appelle ça, un établissement d'enseignement supérieur et puis qui doit dire au prof vous dépensez trop d'argent et donc il doit lui dire à un prof que son prochain séjour à Chicago il pourra pas le faire parce qu'il y a pas d'argent, voilà. Et donc il y a un comédien qui campe de façon très excessive le rôle du prof et donc le rôle de l'attaché, enfin le rôle de l'élève là, c'est à ce moment-là d'essayer de faire entendre raison en fait à ce prof qui n'entend rien. Voilà. Donc voilà. Alors il y a tout un ensemble de mises en situation comme ça. Celle-là est assez marrante effectivement. Elle faisait d'ailleurs rire hein, les autres élèves dans la salle. Il y en a une qui m'a intéressé et que je développe un peu dans l'anglais et puis dans un article qui dans une petite revue qui s'appelle Temporalité mais qui est une bonne revue. Ce qui m'intéressait moi, c'est les mises en situation autour du planning. Parce que le planning, c'est un élément, vous le savez, c'est un élément important dans l'administration, dans toutes les organisations d'ailleurs. Et on apprend en fait dans les IRA, on apprend aux futurs attachés à produire du planning. Et on apprend à produire du planning en situation de contrainte et en situation avec des comédiens qui se trouvent autour de lui. Donc l'exercice vise à mettre l'attaché, l'élève en situation de remplir dans une préfecture les dates de présence de son équipe de catégorie B. Alors que il y a des contraintes qui viennent de la préfecture en disant il faut élargir les horaires, l'amplitude des horaires du service. Voilà. Et donc, on modélise des contraintes. On modélise une contrainte qui vient du dessus dans cette mise en situation. On modélise une contrainte qui vient de la préfecture, qui vient du dessus, qu'on ne peut pas discuter. C'est augmenter pour la même productivité, pour augmenter la productivité, mais avec le même temps de travail, augmenter les horaires d'ouverture, donc ça, éventuellement baisser les coûts, donc ça c'est l'injonction qui vient du dessus, et on modélise aussi une contrainte qui vient plutôt du bas, qui est celle qui est incarnée par les comédiens, qui jouent le rôle des équipes de catégorie B. Et donc, comment sont conçues les équipes de catégorie B? Elles sont conçues, donc il y a la figure du syndicaliste qui n'entend pas raison parce que il ne veut pas augmenter son temps de travail, parce qu'il est syndicaliste. Il y a la mère de famille qui a des contraintes et donc qui ne peut pas aller tard le soir, etc. Il y a le fonctionnaire proche de la retraite qui est mordu de vélo et donc pour lui c'est pas pendant les vacances d'été, etc. Bon, et donc vous voyez que la façon dont c'est modélisé, je dis pas que ça arrive en vrai, on est d'accord qu'on est là dans, donc dans la double modélisation, puisqu'on est là dans une formation qui modélise des situations administratives. Mais ce qui est intéressant, c'est du coup de voir comment, d'une part, qu'est-ce que ça dit. Donc ça dit que le cadre intermédiaire, il est pris entre des contraintes, et donc c'est comme ça qu'on conçoit son rôle dans l'administration, il est pris entre une contrainte ascendante et une contrainte descendante. Il est pris, et donc son rôle va être d'articuler les contraintes qui viennent du bas et qui viennent du haut. Voilà. Et donc ça, c'est un premier élément. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'on modélise une administration qui cherche à faire des coupes budgétaires, ou au contraire de tendre à la productivité des agents. Et donc on modélise, en fait, on apprend aux futurs attachés à se mouvoir dans une administration qui est une administration contrainte. Voilà. Ça me semble assez éclairant de la façon dont on modélise la position des cadres intermédiaires dans l'administration. Manager au milieu de l'État, c'est ça, c'est concilier les contraintes, c'est concilier les contraires, c'est articuler les contraires. Articuler les contraires, et donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend, en fait, aux attachés dans l'administration. Ils le feront peut-être ou peut-être pas dans l'administration. C'est justement mon enquête en cours. Souvent, ils sont contraints de le faire comme ça. Et effectivement, les attachés sont amenés, les cadres intermédiaires d'une manière générale sont attachés à modéliser, à articuler les contraintes en pratique, dans leur pratique professionnelle, mais pas tout le temps. Mais en tout cas, tout le temps dans la formation, c'est comme ça, c'est ce à quoi on les prépare. Et articuler les contraintes, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, d'une part, individualiser le traitement des effectifs. Et donc, je pense que le management, c'est l'apprentissage du management, c'est l'apprentissage de individualiser les équipes, mettre de l'individu là où il y a du collectif. C'est ce que fait pratiquement l'attaché, l'élève qui est en situation de devoir répondre à la fois aux contraintes qui viennent du haut et qui viennent du bas. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il propose finalement, parce que la réunion part en cacahuète, les comédiens finissent par sortir, et donc il n'arrive pas à faire entendre raison en fait à ces gens-là. Ça devient... Donc la réunion planning se disloque. Et ce que va faire l'élève, c'est qu'il va avoir le réflexe là de proposer de convoquer en entretien individuel les uns et les autres, donc de sortir du cadre de la réunion pour pouvoir ensuite individuellement gérer les plannings du service et donc se soustraire aux contraintes. Et cette initiative, elle est valorisée par la formatrice qui dira bah, c'est ce qu'il faut faire effectivement parce que c'est comme ça qu'on s'en sort. Voilà. Donc articuler les contraintes. Ça veut dire individualiser déjà. Plus généralement, ça veut dire techniciser. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans le travail très concret, même si c'est que le début d'une enquête, mais quand j'entretiens des gens qui travaillent au concret, quand on travaille au milieu de l'État, souvent, on technicise. Une façon de faire face à la contrainte qui nous arrive de dessus, c'est de la techniciser, on pourrait dire la dépolitiser, c'est-à-dire de la rentrer dans un tableau Excel, d'en faire un élément de le mettre dans les cases de ce qui est attendu de l'administration, et non pas donc de la politiser, c'est-à-dire de dire mais attendez, vous nous demandez de faire plus avec moins et c'est pas possible, par exemple, ce qui pourrait être aussi une solution. Mais une des façons de s'en sortir, c'est de techniciser. En tout cas, il y a ces deux registres-là qui sont disponibles au milieu de l'État, de politiser la décision, la contrainte, ou de la techniciser. Donc ça veut dire individualiser, techniciser, mais articuler la contrainte aussi, ça veut dire, et ça c'est une dimension importante du mandat des cadres intermédiaires, ça veut dire se proposer comme variable d'ajustement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi dans l'administration, que je suis en train de voir beaucoup, mais qui est vraiment modélisé et valorisé dans la formation. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à articuler les contraintes, c'est le cadre intermédiaire qui va, lui, permettre de colmater les brèches. Et ça aussi, c'est valorisé par la formatrice, puisque dans les négociations, pendant cette mise en situation que je vous relate ici, dans les négociations avec les autres membres de l'équipe, l'élève... accepte lui-même de finir plus tard le soir, tous les soirs de la semaine, accepte de commencer plus tôt, accepte de renier sur ses vacances, etc., pour permettre à ses équipes de prendre le mois d'août pour le catégorie B et le soir pour la comédienne qui incarnait la femme au foyer. On passe bien sûr sur la vision du syndicaliste, de la femme au foyer, etc., mais c'est entendu entre nous. Et donc, cette attitude est également en partie valorisée par la formatrice. Et donc, il s'agit pas seulement dans les IRA de se faire le relais des injonctions du haut, il s'agit pas seulement de se faire le relais des injonctions hiérarchiques, réformatrices, en le faisant peser sur ce subordonné, mais il faut aussi l'endosser. Il faut aussi le prendre sur soi, et pour maintenir l'équilibre en fait de l'administration et pour maintenir l'équilibre de l'organisation du travail à l'aide d'un travail d'ajustement. Et on pourrait définir en fait presque comme ça le travail des cadres intermédiaires au milieu de l'État, c'est d'ajuster en fait et se servir en fait, parfois même de sa personne, de son temps de travail pour ajuster ces contraintes qui sont parfois inconciliables entre le haut et le bas. Donc voilà, le mandat des cadres intermédiaires, il est comme ça en perpétuelle tension entre ces tâches d'encadrer et ces tâches d'encadrant, et donc il y a une injonction à la souplesse, à l'articulation, qu'on retrouve aussi dans les formations de cadres supérieurs, mais là, la souplesse et l'articulation, elle se fait souvent entre le public et le privé. Là, elle se fait, c'est la souplesse et c'est l'articulation, mais entre les échelons d'administration pour avoir une administration qui fonctionne et pour que les réformes, les intentions de réforme puissent glisser en fait le long de la hiérarchie administrative. Voilà. Et puis donc progressivement s'opère un glissement dans la formation des attachés d'administration où on cherche dans les IRA à former des attachés qui soient des attachés réactifs, flexibles et qui finalement soient eux-mêmes les nouveaux prescripteurs de réforme. Et donc dans un certain nombre de cours que je ne vais pas développer ici, mais comme les cours sur le contrôle de gestion, les cours sur l'entretien individuel, etc. Il s'agit donc d'ajuster les politiques de réforme et donc surtout les politiques de contraintes budgétaires à l'échelon intermédiaire et donc de faire preuve là de pédagogie de la réforme et expliquer la réforme aux échelons inférieurs pour s'assurer de la loyauté des équipes dans les orientations de réforme en fait. Et donc là, ça va être un glissement hein, qu'on va voir dans les années 2010 où on va voir apparaître l'idée de former pour réformer, qui va être une intention beaucoup, mais qui va se retrouver dans certains cours. Et donc, on va modéliser l'administration de cette façon-là. Voilà. Et donc, petit à petit, les attachés vont être un peu conçus comme les VRP de la réforme, comme les faire preuve de cette activité organisatrice, mais réformatrice en fait, au milieu de l'État pour qu'elle vive, parce que il est important pour que les politiques de réforme de fusion, par exemple, existent, que on puisse la mettre en œuvre, mais aussi qu'elle puisse être mise en œuvre, pardon, à l'échelon intermédiaire. S'il me reste 3 minutes pour, j'ai parlé beaucoup déjà de la MMR. 5, ouais, merci. Non, juste un mot, donc, parce que c'est une des dimensions de mon travail qui est celle donc, de regarder les luttes et l'histoire de l'administration, les programmes, qu'est-ce qu'on apprend quand on fait une formation pour des fonctionnaires, qu'est-ce qu'on leur donne précisément, mais je pense que c'est incomplet si on regarde pas comment ils l'endossent, eux, comment ils en formation, hein, comment les fonctionnaires se saisissent eux-mêmes de ces injonctions à être la variable d'ajustement, à être le réformateur, etc. Donc on pourra en discuter, mais il y a quelque chose qui m'a un peu étonné quand je suis arrivé dans les instituts régionaux d'administration. C'est quelque chose qui a étonné aussi, qui peut étonner quand on arrive à l'ENA, l'INSP, c'est que c'est une institution qui est relativement enveloppante. C'est une institution où on cherche en fait à cadrer, et donc il y a beaucoup de cours, la direction des études souvent est devant la porte pour vérifier les retards, alors que on rentre après un master le plus souvent si on ne rentre pas en interne. La direction des études et des stages est souvent vérifie, voilà, fait passer, enlève les couples Wi-Fi en amphi ou dans les salles pour éviter qu'on aille sur Facebook en même temps que que qu'écoutait l'intervenant, etc. Donc vous voyez, il y a quelque chose, une dimension un peu scolaire comme ça, et une volonté un peu assumée d'être une institution socialisatrice. Ce qui est étonnant pour dans le paysage de l'enseignement supérieur, puisque en général c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, c'est plutôt l'inverse, on a une prépa, classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, par exemple, aux écoles de commerce, qui est plutôt prenante, enveloppante, encadrante, et puis ensuite, en école de commerce, en école d'ingénieurs, bah, on passe son temps au bistrot qui est à l'intérieur de l'école, et donc, c'est pas l'essentiel, en fait, la formation, mais c'est simplement le diplôme par la suite. Et donc ça a été étudié par beaucoup de gens, de dire... par quelqu'un, un article un peu fameux qui s'appelle du souci scolaire à l'éthos managérial, voilà. Et donc c'est cette idée-là de dire on sélectionne sur des critères scolaires, mais ensuite ce qu'on apprend dans les écoles de commerce, c'est surtout à développer un ethos managérial, un réseau éventuellement, mais aussi une façon d'être qu'on va devenir un manager. Dans les écoles de service public, on fait l'inverse. Les IPAG, les formations, etc., elles sont plutôt lâches. Vous n'avez pas trop de cours, on compte sur votre propre attention. Mais par contre, dans ALENA, à l'IRA, dans les IRA, eh bien on souhaite vous inculquer le management. C'est une institution qui est très enveloppante. Et donc je me suis posé cette question-là. Et donc mon hypothèse c'était de dire bah voilà, on n'est pas dans le modèle justement où on passe du sérieux managérial du sérieux scolaire à l'éthos managérial, mais c'est l'inverse en fait. On passe de l'éthos scolaire au sérieux managérial. Ce qui est important, c'est que on produise de la bonne volonté managériale. Et ça, c'est parce qu'il y a un classement. Et c'est ça la grande différence, en fait, avec les écoles de service public et les autres écoles. C'est qu'il y a un classement qui va déterminer le destin professionnel. Et donc, pour être bien placé dans le classement, il faut faire preuve de bonne volonté scolaire. Il faut aller en cours, il faut avoir les bons points, il faut se conformer à ce que l'institution demande. Et faire preuve de bonne volonté scolaire, comme les contenus sont managériaux pour l'essentiel, c'est faire preuve en partie de bonne volonté managériale. Et c'est ça qui va être, je dis pas que c'est la clé de la réussite, mais je dis que c'est ce qui est valorisé par les formateurs, par l'institution à un moment donné, de faire preuve de bonne volonté managériale. Et donc le bon attaché, celui qui va être... qu'on va plutôt valoriser dans les écoles de fonctionnaires, c'est ça, c'est le fonctionnaire qui a intériorisé jusque sur le plan de l'éthos, jusque sur les vêtements. Je développe dans le livre la façon dont on s'habille, et donc il y a des appropriations, il y a des façons de se conformer, mais il y a des façons aussi des appropriations paradoxales, hétérodoxes, de refuser de mettre le costard parce que le costard c'est central et que moi j'ai été viré de la centrale et donc je veux pas, j'irai en éducation nationale. Donc voilà, il y a des appropriations hétérodoxes, mais il y a des appropriations et donc les formateurs vont regarder ça, vont regarder les façons d'être, de sentir, d'agir dans l'arène de la formation, et ça va être des signes pour eux du bon positionnement du cadre, qui ne doit pas être trop haut, c'est pas un énarque, et donc il ne doit pas être trop éloquent, par exemple, sinon on regarde un peu avec bizarre en disant est-ce que c'est pas l'énarque qu'il faudrait faire, mais qui doit pas non plus, qui doit se défaire des habits du catégorie B, qui doit être dans sa peau de cadre, comme dit une directrice de la formation. Bon, je m'arrête là, on pourra aller plus en détail sur ce point-là. Mais je m'arrête là parce que j'ai déjà trop parlé. Merci pour votre attention.